Les petites histoires de Tell Me. Le bilby de Pâques. Depuis que je suis toute petite, tout le monde me parle du lapin de Pâques, celui qui cache les œufs. Une chose m'a toujours étonnée, lorsque je demande à quoi il ressemble, personne n'est d'accord. Maman me dit qu'il est tout bleu, ma grande sœur dit qu'il est rose avec des paillettes, papa affirme qu'il porte un costume vert. Alors l'an dernier, j'ai eu envie de découvrir la vérité. Le jour J, j'ai été fin prête. J'avais préparé mon sac à dos avec tout le nécessaire d'aventurier. Un couteau suisse, une lampe de poche, des cookies et ma gourde bleue remplie de grenadine. Dès que les premières lueurs du soleil ont pointé le bout de leur nez, je suis sortie dans le jardin sur la pointe des pieds. Je me suis cachée juste derrière le gros parterre de roses qui pique. J'avais une vue imprenable sur tout le jardin. Rien ne pouvait m'échapper. Au début, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Mais très vite, l'ennui a débarqué. Il ne se passait rien. Pas un bruit, pas un chat et encore moins un lapin. J'ai attendu, sans bouger, si longtemps que mon ventre a gargouillé. Au même moment, j'ai vu une paire d'oreilles pointues suivie d'une longue queue blanche traverser le jardin en un éclair. Impossible que ce soit un lapin, leur queue ressemble à un pompon. Je n'ai pas eu le temps de me poser plus de questions. Pam a déboulé dans le jardin, surexcitée, la truffe collée au sol. Ma chienne avait flairé l'intrus. Je l'ai suivi jusqu'au tas de compost au fond du jardin, juste à côté du gros arbre entouré de framboisiers. Stupéfaite, je l'ai vu se planter devant un trou, fraîchement creusé, si large que je pouvais rentrer dedans. Pam m'a regardé, a aboyé, puis s'est précipité à l'intérieur. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je me suis étalée, la tête dans le terrier. J'entendais ses petits grognements s'éloigner. Je devais la rattraper. J'ai sorti ma lampe de poche et j'ai rampé dans le mystérieux terrier. On aurait dit une spirale sans fin. Plus je m'enfonçais, plus il faisait sombre, chaud et étouffant. Ma lampe s'est éteinte, sans prévenir. Aussitôt, de petits champignons se sont mis à briller sur les parois, comme des lucioles souterraines. Ça m'a donné assez de courage pour continuer mon exploration. Après une éternité à ramper, j'ai fini par déboucher, couverte de terre et de sueur, dans une drôle de salle. Je pouvais m'y tenir accroupie. Il faisait drôlement frais et l'air était parfumé d'une merveilleuse odeur chocolatée. Les murs étaient tapissés d'une multitude d'alvéoles remplies d'œufs colorés. C'était encore plus beau qu'un arc-en-ciel. J'en avais l'eau à la bouche, mais je me suis retenue d'en goûter un. Comme le dit maman, il ne faut pas manger de friandises offertes par des inconnus. Et là, même si on ne me les avait pas offertes, on ne pouvait pas faire plus inconnu. Des aboiements lointains m'ont tiré de ma contemplation. Pam ! Elle était encore plus excitée que la fois où elle avait trouvé un écureuil perché en haut d'un arbre. Je me suis engouffrée dans le premier tunnel qui se présentait. Plus j'avançais, plus j'entendais clairement les jappements de ma chienne et plus le tunnel s'élargissait. Si bien que très vite, j'ai pu me tenir debout. Je me suis mise à courir pour atterrir dans une pièce qui m'a coupé le souffle. Devant moi, des étagères chargées d'œufs de Pâques s'étalaient à perte de vue. Habillés de jolis papiers pailletés et de rubans mignons, on aurait dit de vrais bijoux. Pam était dans un coin, tournicotant sur elle-même en aboyant la truffe en l'air. De la plus haute des étagères dépassait une longue queue blanche, soyeuse comme un nuage de beau temps. Épatée, je me suis approchée. Pam s'est assise, la langue pendante, fière d'elle. J'avais beau me tordre dans tous les sens, je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait au bout de cette queue. Alors j'ai dit « Salut !» Pas de réponse. « Faut pas avoir peur, hein ? Pam fait plein de bruit, mais elle ferait pas de mal à une mouche ?» Rien. « Dis, tu pourrais nous montrer comment rentrer chez nous ?» Silence. Je me suis assise à côté de Pam. J'ai sorti un cookie pour lui en donner un bout. Pile à ce moment, une tête toute mignonne a dépassé de l'étagère. La bestiole avait de grands yeux gentils et curieux. Sa tête toute blanche était plus allongée que celle d'un lapin. Comme un petit kangourou. Je lui ai tendu le reste de mon cookie. « Tu en veux ? Tiens, je te le donne !» Le kangourou lapin a bondi près de moi. D'une patte toute timide, il a pris mon gâteau et l'a boulotté en un instant. « Merci, mais c'est embêtant que tu m'aies vu. Pourquoi ? Parce qu'un enfant n'a rien à faire dans le terrier de lapin. Mais t'es pas un lapin, toi ? Non, lapin, c'est mon cousin. Moi, c'est Bilby. Je vis en Australie. Comment tu es arrivé ici ? Bilby a rigolé, puis il m'a tout raconté. J'ai appris qu'il était le lapin de Pâques des Australiens. Depuis tout petit, Lapin rêvait de visiter son pays. Alors Bilby lui a proposé d'échanger leur place. On a parlé super longtemps. J'avais tellement de questions. Et lui aussi. Et puis le moment de rentrer est venu. Bilby m'a raccompagnée dans mon jardin avec tellement d'œufs en chocolat que j'ai pu en distribuer dans tout le quartier. Cette année-là, je suis devenue la reine de Pâques. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'était qu'avec Pam, on avait élucidé un super mystère. Ne partez pas, j'ai une surprise pour vous, une chasse au trésor de Pâques. Vous devrez aider Bilby à retrouver un panier rempli d'œufs en chocolat qu'un mystérieux voleur lui a chapardé. Si l'aventure vous tente, rendez-vous sur telming.com, T-A-L-E-M-I-N-G.com, ou cliquez sur le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. Amusez-vous bien, et à bientôt.